Ah. Cheesy, cheesy baby. Atomique. Manesa. On est là ou pas? Rodage des halls. Mulhouse. Les Ulysse. Ah. Comme à l'époque, frérot. Manesa. Comme à l'époque. Ah. De les gifler, j'suis obligé, un bête de son j'viens infliger. Nique leur trap et leur cliché, tu bouges la tête, t'as tout pigé. Je jure sur Manu et Ra, que c'est consigne des contrats. M'en va être grave dans l'embarras, quand ils écoutent du vrai peu rat. Les yeux rouges, la rime tranchante, j'reviens les décapiter. Stoppez-moi ça par pitié, hashtag j'nous baisse, faut tweeter. Non y'a pas d'ambiguïté, j'crois qu'ils n'ont pas mes facultés. Gratter des 16 à la hauteur, pour eux y'a trop de difficultés. Frérot ici, ça blague pas, lyrical et la tâte pas. Tu vas connaître le trépas, une fin de carrière à la te pas. J'envoie du sale, faut l'admettre, même si Phil sera comète, des crimes au mic, je viens commettre comme à l'époque depuis le comète. J'suis venu les remettre à leur place, n'ai pas besoin de citer leur blast. Pourquoi ces bouffes font vendre des lasses? De nos jours, le rap c'est naze. Moi j'écoutais Ayam et Nas, obligé tous les tuer. Tu veux savoir qui les tracasse? Shazam ça, enculé. Kiffe ça comme à l'époque, comme à l'époque. Refrain de Tarba sans équivoque, nos punch te font l'effet d'un Glock. Ça qui comme à l'époque, comme à l'époque. J'aime pas nos sons, c'est réciproque. Ici ton vocodeur, all fuck. Du lourd comme à l'époque, comme à l'époque. On n'a jamais baissé nos frocs. Du classico club, si si comme à l'époque, comme à l'époque, comme à l'époque, comme à l'époque. Ah, c'est quoi les G's, on a trop rêvé de Revo. Black Lives Matter, c'est ce qu'ils disent à la télévision. Des rimes de merde, à quoi elles servent, à pas faire baisser le niveau. On se relaxe, refait Rino, a fait péter le visio. Je balance un fucking ancien flow et tu dis merde, c'est nouveau. Va choper, illégal musique, je roule en Merce et Lago. Je fais une liste de sacrifices, tu pensais percer gratos. 2017, DJ joue un air Serato. Des potes, j'en avais pas 34, tes 3 carrés, c'était à gauche. Du sang, ils en redemandent, alors je vais élever la dose. Plus besoin de chercher à tôt. Venez pécho à tôt. Je roule un terre comme Gratatex, juste pour tester le matos. Je prends du poids, je voulais me caser, j'ai dû retirer l'anneau. Avec ma belle, la chante du guim, je vais me tirer de la gaule. Voilà, les billes, ils peuvent me manquer comme Kix et Matos. Dernière rime, fallait que ça saigne, nuel, tu es Matos. Kix ça comme à l'époque, comme à l'époque. Refrain de Tarba sans équivoque, nos punch te font l'effet d'un Glock. Ça qui comme à l'époque, comme à l'époque. J'aime pas nos sons, c'est réciproque. Ici ton vocodeur, all fuck. Du lourd comme à l'époque, comme à l'époque. On a jamais baissé nos frocs, c'est l'heure du classico clock. Ici comme à l'époque, comme à l'époque, comme à l'époque, comme à l'époque. J'reviens de la basse pour les baisers, quand ils seront dead, j'rap baisé. J'suis inutile de les biaiser, j'les graille comme des poulets braisés. La vérité, j'voulais m'enfuir, j'm'étais promis de plus revenir. Les écouter, c'était me punir, les valider, c'était mentir. Toujours le même sur chaque son, ça prépare des exécutions. Tu connais ma génération, pas de viscère ni de cheveux longs. J'fais le devoir, mémoire d'antan, pour honorer le rap et sa gloire. Bien sûr que c'était mieux avant, maintenant c'est du magloire. Putain que c'est bon de kicker, sans calculer qui va cliquer. Moi qui ne voulais plus m'impliquer, j'prends du plaisir à les niquer. Nostalgique, on se refait pas, mais faut préparer l'avenir. Laisser sa marque avant l'au-delà, c'est ça qui compte, faut pas se mentir. Mon album dans ton crâne, pour te reconditionner. Je me dois de rééduquer des ânes, je n'ai pas fini de t'impressionner. Si ce morceau n'est pas un classique, en tout cas ça y ressemble. Rodage des halls, atomique, a mis les hymnes sur un sample. Kiffe ça comme à l'époque, comme à l'époque. Refrain de Tarba sans équivoque, nos punch te font l'effet d'un Glock. Ça qui comme à l'époque, comme à l'époque. J'aime pas nos sons, c'est réciproque. Ici ton vocodeur, all fuck. Du lourd comme à l'époque, comme à l'époque. On n'a jamais baissé nos frocs, c'est l'heure du classico clock. Ici comme à l'époque, comme à l'époque, comme à l'époque, comme à l'époque.